Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale estivale de Rock de Neurones. C'est une émission qui a été sollicitée par un auditeur de l'Assomption et j'ai nommé Luc qui désirait avoir un petit peu de nouvelles du rock progressif durant cet été un petit peu tranquille causé par la pandémie. Alors j'ai réfléchi à sa requête et puis je me suis dit que ça serait peut-être le temps après 6 mois de faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2020. Alors moi j'ai 9 coups de cœur personnellement. Et je vous les nomme là, c'est entre autres le Pendragon, il y a Alcantara, un nouveau groupe de l'Irlande, il y a Drowning Steps du Brésil, il y a Kelce DC Il Tuono d'Italie, on a Pattern Seeking Animals des États-Unis, le très prolifique Carfagan d'Ukraine, une nouveauté de Pure Reason Revolution d'Angleterre, on a aussi une nouveauté de IO Earth. Le titre, c'est Aura, ça vient de paraître. Et de la Norvège, on a aussi une nouveauté de Arabs in Aspic. Il y a aussi, pour l'été, en juillet et août, plusieurs albums de renom, là, d'artistes de renom qui vont paraître. Donc, ça va être assez prolifique. À la fin de l'émission, je vais vous en citer les principaux. Alors, pour débuter ce premier bloc de l'émission spéciale estivale coup de cœur de 2020, ça va aller du côté de Pendragon en Angleterre qui, au mois de janvier, c'est plus précisément c'est le 14 février. Ils ont sorti leur 11e album studio du nom de Love Over Fear. Et moi, la chanson que j'ai tirée, c'est la chanson titre. Je rappelle que cet album-là est paru en 3 CD. Un album normal, original, avec des nouvelles pièces, avec la production habituelle. Il y a aussi un deuxième CD qui contient les mêmes pièces, mais en version acoustique. Et enfin, on a un troisième CD qui couvre les mêmes pièces aussi, mais en version instrumentale. Alors, pour l'occasion aujourd'hui, j'ai décidé de vous sortir la pièce Love Over Fear. Je mentionnais que c'était la pièce titre, mais en version acoustique. On aura aussi Alcantara. Ça, c'est un groupe qui, paradoxalement, a sorti un album en 2019, mais moi, il est apparu sur mes sites que je consulte. Là. C'est apparu le 20 mai. Alors, c'est leur premier album. Il s'intitule Solitaire. Ça nous vient d'Irlande. Alors, je vous propose une pièce. La pièce que je vous propose, c'est, une petite seconde, After the Flood. Et pour terminer le premier bloc, bien, j'ai Drowning Steps du Brésil, qui est un album qui est quand même assez... on en parle assez souvent là, sur les sites spécialisés. C'est un album coup de cœur de bien des auditeurs, bien des amateurs, en fait. Et l'album, bien, il s'appelle The Echo of a Distant Past. Et ça, c'est un album assez récent. C'est sorti, je dirais... en février, le 20 février, et puis c'est le deuxième vrai album studio du groupe, puisqu'ils ont fait plusieurs simples et plusieurs mini-albums. Alors, on y va tout de suite là, avec Pendragon. pebbles and ripples and sunflowers. Get coffee, I've been up for hours, up where the lark were the best waves. Don't wanna miss the first daylight hour. Turn off that TV set and read a book instead. Read about the world and the universe. Don't fear your snowflake head. Shades of grey, looking on the inside out, dreaming all her life away, never realized that doubt. She sits eternally, blowing a dandelions. Feel the night, look up to the sky, the belt of Orion. We'll be right back. float alone in the crowd, slow to hear aloud. The hunter was still and inquiring in me, said, could it be the victim's song? Leaning the word as long as I spoke, trying to find a clearing. But Apollo just made it answer suspend to the death of a nation star. I love my mother, I love my father. Now I can see their face, I see my brother, all the others. On the breeze they flow, is where it is, the shelter's broken, stay around beyond the tide. We were falling, youth wasted, desperately need a well. Falling, night calls me.

the memories fit together like never happened. And now I'm sure this moment is mine. The breeze is gone, and I thought it was just imagination. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale estivale de Rock de Neurones. C'est une émission qui est consacrée à mes meilleurs coups de cœur. Ça, c'est pour les 6 premiers mois de l'année 2020. Et pour débuter, on va aller du côté d'Italie avec une nouvelle formation qui a sorti un album le 20 mars. Il s'agit de la formation Calce Dice Il Tuono. Ça, c'est un groupe qui est formé par Francesca Zanetta. C'est l'instigatrice. Elle s'est adjointe aussi Niccolo Galani, qui est le claviériste de la formation Cell on Noise, un groupe de jeunes Italiens qu'on a aussi vu à Québec il y a quelques années. Alors, ces deux musiciens-là, avec deux autres, ont produit un premier album. L'album s'intitule « Il velo dei riflessi ». Alors, on va entendre la pièce « Loro sono me ». Catharsis. Et ça sera suivi par une formation américaine qu'on connaît bien aussi, parce que ce sont des musiciens qui originent de la formation Spock's Beard, et j'ai nommé le groupe Pattern Seeking Animals. C'est un groupe qui a déjà deux albums studio à son actif, et le plus récent, mais qui est paru le 15 mai, s'intitule Prehensive Tales. Alors la pièce qu'on va entendre, ça va être Soon But Not Today. Alors on débute ça avec Quel Che Dice il tuono.

she said, we don't belong together. And I should let her, because her heart is already gone. And it was time that we move on. Alone here at the end, seems that once again strangers. Once upon a time we had something, but something changed. Once upon a time we had something, now we'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous sommes déjà rendus au troisième bloc de l'émission et on va entendre, pour débuter, la formation ukrainienne Carfagen, qui le 3 janvier, c'est-à-dire 2020, a fait paraître son 11e album studio. C'est un groupe qui est très apprécié actuellement parce que je constate sur Internet, là, quand je vois les messages ou les correspondances, qu'il y a beaucoup d'amateurs qui essaient de se procurer les albums passés. Là, il y en a quand même 11. Je sais qu'il y a un site spécialisé de Anthony Kalugin sur Internet où on peut se procurer ces albums-là. Mais moi, personnellement, c'est un groupe que je suis depuis ses tout débuts, en 2006, et je possède la discographie au complet. Alors, ce qu'on va entendre, c'est la pièce-titre de l'album Birds of Passage, et étant donné qu'elle dure quand même 22 minutes, j'en ai extrait 12 minutes pour vous. Ça va être suivi d'un groupe britannique du nom de Pure Reason Revolution. C'est un groupe, moi, que j'ai connu dès ses débuts en 2006 aussi, avec l'album de Dark Third. Ce sont de jeunes musiciens qui, finalement, ont été assez tranquilles, mais avec le nouvel album qui est paru le 1er avril, là, l'album s'intitule Upney, là, on peut qualifier l'album de majeur. Alors, sur cet album-là, moi, je vous présente la pièce Silent Genesis. Alors, on débute ça avec Carfagen. Just half awake, sitting under the oak among the old folk. They laugh and don't play, and soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys. In our youth time, we're singing on the echoing green. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va conclure cette émission spéciale consacrée au rock progressif de l'année 2020 avec un groupe britannique du nom de Io Earth qui a sorti le 31 mars 2020 son cinquième album studio. L'album s'intitule Aura. Et selon les cotes que j'observe sur les sites là, d'appréciation, c'est le meilleur album, c'est le plus apprécié des cinq albums de Io Earth. Alors, l'album s'intitule Aura, comme je le mentionnais, et la pièce qu'on va entendre, c'est Waterfall. Ensuite, on va aller du côté de la Norvège avec Arabs in Aspic. C'est un groupe qui existe depuis quand même 15-16 ans, et ils ont sorti leur sixième album studio. Ben, c'est tout récent, le 12 juin 2020, là, il y a à peine une semaine ou deux. Et l'album s'intitule Madness and Magic. Et ce que je propose pour vous, c'est Heaven in Your Eye. Alors, on y va avec Io Earth. In the shadow of everything, Inside a big jar, like the bob, my caviar chair. a sign. Heaven is in my mind. Astonishing the light. Resurrected and divine. I don't lie when I see heaven in your eye. But I hope La pièce que vous venez d'entendre, c'était du groupe norvégien Arabs in Aspic. Et la pièce, c'est Heaven in Your Eye, tirée de l'album Madness and Magic. Ça, c'est la dernière pièce de l'émission. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que probablement cet été, il y aura une autre émission spéciale estivale parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés qui vont paraître dans les prochaines semaines. Juste pour vous donner une idée des titres majeurs qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir obtenir, bien, il y aura Kansas, il y aura Professeur Tip Top, il y a Magenta, il y a Alex Carpani Band, Ostalov. Ostalov, c'est un groupe de jeunes musiciens allemands que j'aime beaucoup. Ça va être leur troisième album. L'album, c'est About Time. Il y aura aussi Capecas Constant, Gösta Berling Saga. Il y a Steve Orr, le guitariste de Yes, qui est encore très actif. On aura The Tangent aussi. Ça sera un petit peu plus tard à la fin août. On a Richard Stolblum Gunfly qui est en septembre et The Pineapple Thief. Alors, ça va être un été assez chargé et je vais me faire un devoir d'écouter tout ça pour vous et de probablement vous revenir avec une nouvelle émission spéciale de Rock de Neurone pour l'été. Entre-temps, si la nostalgie vous prend, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurone et vous allez y trouver un hyperlien vers 175 émissions archivées, dont les plus récentes de l'année 2020. Alors, bonne fin d'été et c'est Jimmy Farley qui vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.